Moi, je verrai le pays qu'on enchaîne. Oui, je serai massacré ses ennemis. Il faut des gars aussi à la peine. Chacun pour tous et tous pour un réuni. Notre soleil.